Les croisés débarquent à proximité de Constantinople et attaquent la ville par terre et par mer. Le 17 juillet 1203, ils donnent l'assaut. Les Vénitiens, de leur vaisseau, s'emparent de 25 tours. Pourtant, l'issue reste douteuse lorsque, pendant la nuit, l'empereur Alexis, qui avait détrôné son frère également appelé Alexis, abandonne soudain la ville. C'est la première prise de Constantinople par les croisés.